l'hôtesse. Il y avait environ 3 mois qu'ils en étaient au même point, lorsque madame de la Pommeraye crut qu'il était temps de mettre en jeu ses grands ressorts. Un jour d'été qu'il faisait beau et qu'elle attendait le marquis à dîner, elle fit dire à la Dénon et à sa fille de se rendre au jardin du roi. Le marquis vint. On servit de bonne heure. On dîna gaiement. Après dîner, madame de la Pommeraye propose une promenade au marquis, s'il n'y avait rien de plus agréable à faire. Il n'y avait ce jour-là ni opéra ni comédie. Ce fut le marquis qui en fit la remarque. Et pour se dédommager d'un spectacle amusant par un spectacle utile, le hasard voulut que ce fut lui-même qui invita la marquise à aller voir le cabinet du roi. Il ne fut pas refusé, comme vous pensez bien. Voilà les chevaux mis, les voilà partis, les voilà arrivés au jardin du roi, et les voilà mêlés dans la foule, regardant tout et ne voyant rien, comme les autres. Au sortir du cabinet, le marquis et sa bonne amie se promenèrent dans le jardin. Ils suivaient la première allée qui est à droite en entrant, proche l'école des arbres, lorsque madame de la Pommeraye fit un cri de surprise en disant « Je ne me trompe pas, je crois que ce sont elles. Oui, ce sont elles-mêmes. » Aussitôt, on quitte le marquis et l'on s'avance à la rencontre de nos deux dévotes. La dénonfie était à ravir sous ce vêtement simple qui, n'attirant point le regard, fixait l'attention tout entière sur la personne. « Ah, c'est vous, madame ?»« Oui, c'est moi. Et comment vous portez-vous? Et qu'êtes-vous devenu depuis une éternité ?»« Vous savez nos malheurs. Il a fallu s'y résigner et vivre retiré, comme il convenait à notre petite fortune. Sortir du monde, quand on ne peut plus s'y montrer décemment. Mais moi, me délaisser, moi qui ne suis pas du monde, et qui ai toujours le bon esprit de le trouver aussi maussade qu'il est. Un des inconvénients de l'infortune, madame, c'est la méfiance qu'elle inspire. Les indigents craignent d'être importuns. Vous, importune pour moi, ce soupçon est une bonne injure. Madame, j'en suis tout à fait innocente. Je vous appelais 10 fois à maman, mais elle me disait, madame de la Pommeraye, personne, ma fille, ne pense plus à nous. Quelle injustice. Asseyons-nous, nous causerons. Voilà monsieur le marquis des Arcis. C'est mon ami, et sa présence ne nous gênera pas. Comme mademoiselle est grandie, comme elle est embellie depuis que nous sommes vus. Notre position a cela d'avantageux qu'elle nous prive de tout ce qui nuit à la santé. Voyez son visage, voyez ses bras. Voilà ce qu'on doit à la vie frugale et réglée, au sommeil, au travail, à la bonne conscience. Et c'est quelque chose. On s'assit, on s'entretient d'amitié. La Dénon, mère, parla bien. La Dénon, fille, parla peu. Le ton de la dévotion fut celui de l'une et de l'autre, mais avec aisance et sans pruderie. Longtemps, avant la chute du jour, nos deux dévotes se levèrent. On leur représenta qu'il était encore de bonne heure. La Dénon, mère, dit assez haut, à l'oreille de madame de la Pommeraye, qu'elles avaient encore un exercice de piété à remplir et qu'il leur était impossible de rester plus longtemps. Elles étaient déjà à quelque distance lorsque madame de la Pommeraye se reprocha de ne leur avoir pas demandé leur demeure, de ne leur avoir pas appris la sienne. « C'est une faute, ajouta-t-elle, que je n'aurais pas commise autrefois. » Le marquis courut pour la réparer. Elles acceptèrent l'adresse de madame de la Pommeraye, mais, quelles que furent les instances du marquis, il ne put obtenir la leur. Il n'osa pas leur offrir sa voiture, en avouant à madame de la Pommeraye qu'il en avait été tenté.